t'aime, je serais trop possessif. Que trop souvent j'agis par ego, c'est peut-être vrai. Je ne me suis jamais senti comme quelqu'un d'inétrable et héros. À mi-chemin, entre ce qu'on appelle être gentil et peut-être le dernier des salauds. Qu'on m'a lâché, j'ai perdu du monde sur le trajet. Depuis mon point de départ, je ne fais qu'y penser. Est-ce que c'est moi qui ai mal fait ou j'étais seul dès le départ? J'ai eu de la peine, dans les failles perdre ma reine. À penser que chez moi c'était la scène. J'ai eu la haine, à deux doigts de me trancher les veines. Quand la trahison vient par derrière, laisse-les parler, laisse-les parler, laisse-les parler, je sais quoi faire. Je peux supporter les maux de la terre entière. J'étais dans le partage, j'ai dû tourner la page. Dans mon cœur y'a eu un carnage, c'est dans les virages que tu vois les vrais visages. Y'a moins de monde quand y'a l'ombrage. Avant d'être riche j'étais pauvre, je connais la douleur du pauvre. Je veux plus cette vie, y'avait pas d'eau dans le seau. J'ai taffé de midi à l'eau pour changer ma vie. La rancune c'est mon défaut, si tu m'as laissé dans la fosse, je vais pas t'oublier. Le pire c'est que quand il fait beau, tout le monde veut monter dans le bateau, pas te faire enculer. Je suis loin d'être un exemple, d'ailleurs je veux pas qu'on me prenne un exemple. Avec un sourire je peux te mentir, y'a personne qui sait ce que je ressens. Je suis bien éduqué, mais souvent j'ai eu beaucoup de mal à appliquer. Parfois j'ai le cœur brisé, mais c'est beaucoup trop compliqué à expliquer. Faut que je me saisisse, j'ai perdu du temps dans ma vie. Je crois que je me détruis, je calcule juste mes ennemis, ma famille. J'ai jamais de répit, tellement de gens que je dois mettre à l'abri. Et ce qui me guérit, c'est de voir le sourire de ma fille, yeah. On m'a toujours dit qu'un homme doit se cacher pour pleurer. Je crois que c'est le seul conseil que j'ai appliqué sans fauter. Madame ne comprend pas mon envie de tout gérer. Elle me dit, Joe, tu sais, on est mariés. Mais si je garde en moi, c'est pour ne pas les inquiéter. Et si je me livrais chaque fois, mon entourage serait dévasté. Mon monde tourne autour de certaines personnes que je peux compter. Les voir en bonne santé.